Unité 2. Conversation. Écoutez. Comment vas-tu, Pierre? Je vais très bien, merci. Où vas-tu maintenant? Je vais chez Marie. Allez-vous à Versailles dimanche? Oui, nous allons à Versailles dimanche. Et toi? Non, je ne vais pas à Versailles. Je vais au cinéma avec Paul. Répétez. 1. Comment vas-tu, Pierre? 2. Je vais très bien, merci. 3. Où vas-tu maintenant? 4. Je vais chez Marie. 5. Allez-vous à Versailles dimanche? 6. Oui, nous allons à Versailles dimanche. Et toi? 7. Non, je ne vais pas à Versailles. 8. Je vais au cinéma avec Paul. Écoutez. Où va Paul? Paul va à Londres. Parle-t-il l'anglais? Oui, il parle l'anglais. Parle-t-il aussi l'italien? Non, il ne parle pas l'italien. Répétez. 9. Où va Paul? 10. Paul va à Londres. 11. Parle-t-il l'anglais? 12. Oui, il parle l'anglais. 13. Parle-t-il aussi l'italien? 14. Non, il ne parle pas l'italien. Écoutez. Où va Anne? Anne va à Rome. Parle-t-elle l'italien? Oui, elle parle l'italien. Parle-t-elle aussi l'anglais? Non, elle ne parle pas l'anglais. Répétez. 15. Où va Anne? 16. Anne va à Rome. 17. Parle-t-elle l'italien? 18. Oui, elle parle l'italien. 19. Parle-t-elle aussi l'anglais? 20. Non, elle ne parle pas l'anglais. Écoutez, Monsieur Martin est-il enseignant? Non, Monsieur Martin n'est pas enseignant. Il est employé. Madame Martin est-elle secrétaire? Non, Madame Martin n'est pas secrétaire. Elle ne travaille pas. Répétez. 21. Monsieur Martin est-il enseignant? 22. Non, Monsieur Martin n'est pas enseignant. 23. Il est employé. 24. Madame Martin est-elle secrétaire? 25. Non, Madame Martin n'est pas secrétaire. 26. Elle ne travaille pas. Écoutez. 27. Monsieur Martin est employé. 28. Madame Martin ne travaille pas. 29. Paul parle anglais. 30. Anne parle l'italien. 31. Anne ne parle pas l'anglais. 32. Nous allons à Versailles dimanche. 33. Je ne vais pas à Versailles dimanche. 34. Je vais au cinéma avec Paul. Répondez, répétez. 35. Monsieur Martin est-il enseignant? 36. Non, Monsieur Martin n'est pas enseignant. 37. Monsieur Martin est-il employé? 38. Oui, Monsieur Martin est employé. 39. Madame Martin travaille-t-elle? 40. Non, Madame Martin ne travaille pas. 41. Paul parle-t-il l'italien? 42. Non, il ne parle pas l'italien. 43. Anne parle-t-elle l'italien? 44. Oui, elle parle l'italien. 45. Allez-vous au cinéma dimanche? 46. Non, nous n'allons pas au cinéma dimanche. 47. Vas-tu à Versailles dimanche? 48. Non, je ne vais pas à Versailles dimanche. 49. Vas-tu au cinéma avec Paul? 50. Oui, je vais au cinéma avec Paul. Écoutez. Voici Madame Rousseau. Elle est secrétaire. Voici Claude. Il est pharmacien. Je suis employé à la poste. Madame Rousseau et moi, nous sommes secrétaires. Monsieur Blanc et Monsieur Rousseau sont ouvriers chez Peugeot. Jeanne et Françoise sont secrétaires. Tu es employé de banque. Vous êtes employé de banque. Répétez. 51. Voici Madame Rousseau. Elle est secrétaire. 52. Voici Claude. Il est pharmacien. 53. Je suis employé à la poste. 54. Madame Rousseau et moi, nous sommes secrétaires. 55. Monsieur Blanc et Monsieur Rousseau sont ouvriers chez Peugeot. 56. Jeanne et Françoise sont secrétaires. 57. Tu es employé de banque. 58. Vous êtes employé de banque. Répondez, répétez. 59. Madame Rousseau est-elle secrétaire? 60. Oui, Madame Rousseau est secrétaire. 61. Claude est-il employé? 62. Non, Claude n'est pas employé. 63. Es-tu employé à la poste? 64. Oui, je suis employé à la poste. 65. Madame Rousseau et toi, êtes-vous secrétaire? 66. Oui, nous sommes secrétaires. 67. Qui sont Monsieur Blanc et Monsieur Rousseau? 68. Ils sont ouvriers chez Peugeot. 69. Qui sont Jeanne et Françoise? 70. Elles sont secrétaires. 71. Es-tu ouvrier? 72. Non, je ne suis pas ouvrier. 73. Êtes-vous ouvrier? 74. Non, nous ne sommes pas ouvriers. Écoutez. Tu n'es pas ouvrier, tu es employé. Vous n'êtes pas ouvrier, vous êtes employé. Je ne suis pas ingénieur, je suis pharmacien. Ils ne sont pas enseignants, ils sont étudiants. Répétez. 75. Tu n'es pas ouvrier, tu es employé. 76. Vous n'êtes pas ouvrier, vous êtes employé. 77. Je ne suis pas ingénieur, je suis pharmacien. 78. Ils ne sont pas enseignants, ils sont étudiants. Répondez, répétez. 79. Es-tu ouvrier? 80. Non, je ne suis pas ouvrier, je suis employé. 81. Êtes-vous ouvrier? 82. Non, nous ne sommes pas ouvriers, nous sommes employés. 83. Es-tu ingénieur? 84. Non, je ne suis pas ingénieur, je suis pharmacien. 85. Sont-ils enseignants? 86. Non, ils ne sont pas enseignants, ils sont étudiants. Écoutez. Qui parle avec le professeur? Marie? Non, Marie ne parle pas avec le professeur. Jeanne parle avec le professeur. Qui habite Place de l'Étoile? Jacques? Non, Jacques n'habite pas Place de l'Étoile. Jacques habite rue Molière. Qui écoute la radio? Toi? Non, je n'écoute pas la radio. J'écoute un disque. Répétez. 87. Qui parle avec le professeur? Marie? 88. Non, Marie ne parle pas avec le professeur. 89. Jeanne parle avec le professeur. 90. Qui habite Place de l'Étoile? Jacques? 91. Non, Jacques n'habite pas Place de l'Étoile. 92. Jacques habite rue Molière. 93. Qui écoute la radio? Toi? 94. Non, je n'écoute pas la radio. 95. J'écoute un disque. Répondez, répétez. 96. Marie parle-t-elle avec le professeur? 97. Non, Marie ne parle pas avec le professeur. 98. Jacques habite-t-il Place de l'Étoile? 99. Non, Jacques n'habite pas Place de l'Étoile. 100. Écoutes-tu la radio? Non, je n'écoute pas la radio.